7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bande de la planète, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, pas comme moi, qui est très mal dormi aujourd'hui, mais bon, on est là pour vous donner le smile et le sourire. Et malheureusement, la pluie fait son apparition ce matin, mais ça devrait s'améliorer tout au long de la journée. La pluie, les nuages vont perdurer jusqu'à 9-10 heures du matin, ensuite un petit bout de soleil, et normalement, cet après-midi, le ciel sera assez nuageux en début d'après-midi, et 16h, 16h30, 17h, le soleil fera son apparition avec des températures plutôt pas mal, jusqu'à 25 degrés. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. 7h12 minutes sur Radio Arc-en-Ciel avec les Cranberries, Zombie. Belle journée, bon réveil sous la pluie, mais le soleil ne devrait pas tarder. La météo. Et la météo, le ciel est nuageux ce matin, pluvieux, comme vous allez le constater sur la tendancielle, comme Eric qui est parti au taf. La pluie devrait cesser aux alentours de 10h, et puis le soleil va revenir en fin d'après-midi, 16h, 17h. Voilà, des nuages encore tout au long de cet après-midi. Les températures sont plutôt pas mal ce matin, 16, 17 degrés au lever du jour, et on va quand même dépasser les 25, voire 27 degrés. Du son qui arrive avec le meilleur des souvenirs, et Jean-Luc Lahaye, la Star 80, qui est sur Radio Arc-en-Ciel. Votre réveil matin, c'est Francky. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mal.

un bonjour à l'antenne? Appelle le 02 38 43 48 00. Fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequena, ya te c'est les maracas, ça. Ça va, Stéphanie? Ouais, ça va. On est bien, là. On a pas internet, mais on est bien. Ouais, on n'a pas internet, et du coup, on est bien, mais presque bien. Parce que moi, je vous avais fait une jolie programmation. Ah ouais. Encore, voilà, j'avais été me chercher des petits trucs sous mes fagots. Ah, et du coup, je pourrais pas vous en faire profiter ce matin. Parce que, bon, les titres que Stéphanie va nous chercher, moi, je vais les pécho sur internet. Ah bah oui, parce que sinon, c'est sûr qu'ici, dans la base de données. Tout, hein. Ah, c'est dommage. Il n'y a déjà pas Moustaki, Ridan ou encore Trio. Donc, imaginez-vous que pour trouver du cow-boy fringant ou du caribou volant. Là, va falloir se lever de bonne heure quand même. T'as des titres aussi qui déménagent. Hein. Bah, j'ai Carré des Boucois, titres. Fringants. Non, les Cowboys Fringants, mais c'est un groupe. Par contre, que je vous invite, par contre, à aller découvrir. Alors, comme vous pouvez peut-être le comprendre ou pas, c'est deux groupes québécois, le Caribou Volant ou les Cowboys Fringants, qui ont des textes plutôt impliqués, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande journée. Donc, je vous avais fait une petite programmation musicale écolo, comme je sais bien les faire. Ah ouais, avec des vaches, des chèvres. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ça concerne les abeilles, puisque c'est la journée mondiale des abeilles. C'est vrai? Ouais. Et si vous le savez pas, le jour où il y en aura plus, il y aura plus d'humains non plus. Ah mince, donc on est mal, parce que les abeilles, évidemment, c'est la pollinisation, c'est tout ça, on en a absolument besoin. Donc voilà, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et puis voilà, j'aime bien vous alerter quand même sur des choses. Bah, ça nous fait plaisir. Voilà, on peut pas agir sur tout, mais en revanche, on peut agir dans son propre jardin en évitant les pesticides, en laissant monter un tout petit peu l'herbe de façon à ce que nos chères abeilles puissent venir butiner et en plus aussi polliniser par exemple vos fleurs de pieds de tomates pour que vous ayez des belles tomates. Oh. C'est important de les laisser travailler. C'est mignon ce matin, c'est mignon tout plein. En plus, on a de la chance, il est tombé 3 gouttes, c'est formidable. Ah, c'est magnifique, on est heureux. Juste avant de se retrouver, on va écouter Alex Lebaille, l'Orléanais, tu le connais, qui est venu à la radio. Oui, j'adore oui. Ce mec-là. Et puis tiens, je crois que j'ai un maille à l'abeille, on va essayer de te trouver ça, un petit maille à l'abeille pour. Bah, hein, si tu veux, à défaut de. Je vais voler dans le jardin de la radio. À défaut. Alex Lebaille. J'affise un cœur. T'aimes bien, tu m'as dit quoi? Ça ressemble à du Indochine. Ouais, ça sonne. Il a un peu la voix, un petit peu à la Nicolas Sirkis. Et ouais, c'est plutôt pas désagréable du tout. Ouais, franchement, c'est sympa quoi. Tu sais qu'il l'a envoyé à Indochine ce titre-là. Et, il a eu une réponse. Hein, ils ont trouvé ça plutôt sympatoche. Bah, de toute façon, ça sonne un peu comme ça quoi. Ça le fait. C'est vrai, ils vont lui piquer le morceau et ils vont dire allez hop. On regarde, bon, mais il y a l'abeille, je trouve pas. Bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez trouver? Enfin, a priori, j'ai prévu, je vous mens pas, hein, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres. Ah ouais. Sur 7 titres, il y en a pas un seul dans la base de données, donc voilà. Je voulais connecter mon portable, la totale. T'es sûr qu'il y a même pas un petit trio qui traîne? C'est trio, quoi. Je veux dire, les Cowboys Fringants, ouais. Je peux comprendre, mais je vais trio. Mettre avec plusieurs orthographes différents, peut-être qu'il écrit avec un i, ça se trouve. J'ai voulu mettre le portable connecté. et j'ai pas le bon branchement en fait sur mon portable. C'est, tant pis. J'ai la totale ce matin. Je vous en ferai d'autres, mais bon, c'est PC. Vrai qu'il y avait des choses sympas, quoi. Voilà, c'était. Voilà, des belles choses aujourd'hui. En tout cas, le ciel est nuageux hein, ce matin. Ouais, mais ça fait du bien. Ça va s'arrêter. Ah, mais moi j'ai envie que ça continue. Moi j'ai envie qu'il pleuve, j'ai envie qu'on arrose les jardins, qu'on remplisse les citernes, que nos cours d'eau se regonflent. Voilà, moi je suis quelqu'un. Non, je suis simplement réaliste. Et quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'abeilles, tout le monde crève, quoi. Faut que ce soit clair dans les têtes de tout le monde. Voilà. Et ben, vive les abeilles alors. La sécheresse au mois de mai, si tu veux, ça fait un peu flipper quand même, non? Eh, ça fait mal, hein. Ouais, ça fait peur, hein. Et il y a des jours lourds. Oh mon dieu. En plus, on a nos super bosserons betteraviers qui vont commencer à mettre les nicotinoïdes pour niquer les abeilles et arroser en plein jour sous le soleil. Donc c'est formidable. On est dans un équilibre parfait. On aura Léa Pastel tout à l'heure au téléphone. On va parler d'une expo qui aura lieu. Bah, je crois que c'est aujourd'hui, hein, le 20. C'est le 20 mai, on va l'accueillir tout à l'heure au téléphone, Léa Pastel, les 24 printemps d'or, ça va se passer aujourd'hui, et ben, on va nous en parler un petit peu plus, et puis nos invités en physique, qui seront là vers 8h, 8h15 je pense, c'est Kadi Mbege, j'espère que je le prononce bien, désolé. Elle nous rectifiera si c'est pas le cas. Ouais, nous le dira, hein. Et Gaël Baumgartner, législative, la 6e circonscription du Loiret, ils vont nous parler de leur projet aussi. Quel côté la 6e circonscription Il y a du Saint-Jean-de-Braye, un peu de tout. Ils vont tout nous expliquer tout à l'heure en direct. Il y a déjà mon ami Xavier qui est déjà venu à la radio. C'était lundi, t'as vu, je perds pas de temps moi avec ça. De toute façon, je crois que ça s'arrête à partir de là, c'est fini. C'est fini, le dernier jour aujourd'hui. Ouais, il faut envoyer du lourd et après, c'est au mois de juin. Tout va bien se passer, normalement. Ouais. Des belles choses avec toi, Steph, ce matin? Du coup, ça m'a un peu tout plombé, quoi. On peut revenir un petit peu. Alors, attendez, parce que j'ai noté des choses, mais je vais aller rechercher. T'as effacé avec quoi? Avec le marqueur? Non, avec, l'effaceur. Non, j'ai effacé dans mon téléphone. Hein. Sois pas moqueur, parce que si tu veux, si on commence à se moquer, arc-en-ciel, ils vont prendre cher. Donc on va, je vais peut-être vous parler d'un spectacle qui a lieu ce soir avec la passerelle. Ah ouais, bien. Il pleut là aussi. Oui, on entend la pluie. C'est un truc de fou. Ouais, mais il y avait des éclairs, moi, quand j'arrivais, il y avait des gros éclairs. Écoutez la pluie sur les Velux de la radio. On a 2-3 Velux là et c'est rafraîchissant, non? Ah, ça vous fait plaisir ce matin, hein. Alors, on parle de quoi? Eh ben, un petit spectacle de la passerelle, par exemple. Eh ben oui, la passerelle, notre belle salle de Fleury-les-Aubrais. Voilà, donc moi, je vous propose un super spectacle. C'est demain soir, donc samedi 21 mai à 20h30. Ça dure 1h25, c'est à la salle Jean Cocteau. Et en fait, c'est visiblement le télégramme, en tout cas, décrivait ce show de cette façon. Un show d'enfer qui a laissé pantois d'admiration plus de 1200 spectateurs. Ça s'appelle Tap Factory. Ça se passe évidemment, c'est que des percussions, donc avec des tonneaux, des batteries, plein de percussions, des claquettes, de la musique, de la danse de rue. Enfin, en gros, voilà, c'est vraiment une fusion entre tous ces arts qui créent un spectacle unique et avec des performances incroyables, des rythmes prenants, une énergie hyper positive et qui combine un petit peu la poésie. Donc voilà, si vous avez envie d'en prendre plein les yeux, plein votre corps avec des bonnes vibrations, des bonnes percussions, ne vous en privez pas, c'est demain soir à 21h30 à la salle Jean Cocteau du côté de la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Ah, elle est magnifique cette salle en plus. Belle salle, je trouve qu'ils l'ont bien faite. Moi, j'y étais d'autres. Non, le spectacle, là, il y a des images et franchement, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment top. Je suis honnête, hein, la passerelle, ils font des bons programmes, je trouve. Hein, la programmation, elle est vraiment sympa et puis c'est vraiment, il y a beaucoup de spectacles. On est sur des spectacles de qualité et franchement. Ce qu'on fera la semaine prochaine, vendredi, là, j'ai pas prévu, mais on appellera la directrice de la passerelle, la directrice artistique. Elle est sympa, comme tout. Si ça te fait plaisir. Ah bah moi, je l'appellerai, elle va nous à l'antenne, elle vient. En plus, là, je crois qu'on va arriver j'ai plus trop de programmation. Après, je crois que c'est demain, là, la dernière date après, que c'est j'ai l'été, dans mon petit bouquin. Bah oui, après, ils vont refaire de 2023. Donc demain, allez-y, lâchez-vous, vraiment, vous allez en prendre plein votre tête, vos oreilles, plein votre corps, ça va être génial. Et voilà, c'est génial. Et puis du son aussi qui arrive à l'ancienne, histoire de bien vous réveiller ce matin, 7h44. Mais il y a l'abeille aussi, dans la prog. on va aller chercher. Hein. C'est bon, je vais trouver autre chose. Ouais, on va trouver. Il y a peut-être une chance que tu l'aies. Oh là. On sait jamais. Oh là, on sait attention. Jamais si on part sur des classiques. Barry White sur l'arc-en-ciel. daily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you. J'adore ce mec, hein. Moi je kiffe. Hein. Moi aussi. Super voix. Hein. J'adore Marvin Gaye aussi, il y a des grands classiques, ah, notamment ouais. Le Merci Merci Me. Ah, Arrête de me faire des blagues, on n'est pas le 1er avril, on est simplement le 20 mai. Eh ouais, c'est bientôt le 1er avril, non? C'est dans un an. C'est dans 11 mois à peu près. Ah ouais, et la météo aujourd'hui c'est pas terrible, t'as vu, mais arrête de dire ça que c'est pas terrible, non, tu m'énerves. Non, mais il y a les nuages du Sahara, ben, là, ça va recommencer. Oui, mais c'est pas grave, ça fait des affaires de là où on va nettoyer nos voitures, c'est Noël deux fois par an, c'est génial. Les lavage, voilà, ah bah oui, c'est blindes avec ça. Bah ouais. Écoute, ça fait partie du jeu. Hein. Exactement, à 7h49 minutes, sous la pluie. sous la joyeuse. In the rain. Je le retrouve celui-là. Ouais, bah écoute, on sait jamais. Parmi les classiques des classiques, sur un malentendu, on peut conclure, comme dirait l'autre. Jean-Claude. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est la journée donc mondiale des abeilles. C'est une journée mondiale qui existe depuis seulement 5 ans. Ah ouais, et il y a une cohérence quand même à tout ça, c'est que dimanche c'est la journée mondiale de la biodiversité. Donc voilà, deux jours d'intervalle, vous avez les abeilles, la biodiversité, juste bah pour évidemment vous sensibiliser à tout ça le plus possible et essayer d'agir dans son quotidien, même si on fait des toutes petites choses, ne serait-ce que d'espacer par exemple le fait de tondre la pelouse, etc., quand vous en avez la possibilité, et ben c'est déjà ça. C'est toujours bon à prendre, de limiter les pesticides, d'autant plus que maintenant, si vous allez sur les moteurs de recherche, vous pouvez trouver pour chaque problème des produits entièrement naturels qu'on peut faire même soi-même. Par exemple, je pense au purin d'ortie, au purin de consoude, qui, le purin de lierre pour lutter contre les pucerons. Le purin, c'est de la macération, en fait. On fait macérer du lierre, par exemple. On va mettre du lierre dans quelques litres d'eau. On va le laisser au soleil. Ouais. Ça va macérer. Ça va nous fabriquer un purin. Et avec ce purin, on pourra le diluer à 10% et le vaporiser directement sur des pucerons. Et voilà. Donc, il y a plein de choses maintenant. Quand on se donne la peine d'aller chercher, on peut vraiment œuvrer dans le bon sens, parce que bah évidemment, une seule journée pour les abeilles et une seule journée pour la biodiversité, vous vous imaginez bien que ça va pas suffire. Ça me fait penser un peu à l'émission, je regardais les cleaners avec Claude Tollet là, ils font tout maison, tu sais, quand ils nettoient la baraque, ouais, là. Même pour soi, je veux dire. C'était naturel, hein. Mais même pour soi, parce qu'après, on est dans un intérieur où on respire des tas de produits toxiques. Déjà que tous les meubles qui sont très neufs, qui sortent des usines, etc. Évidemment que ça, il y a plein de vapeurs qui émanent de ces meubles et qui sont des choses qui sont un peu nuisibles pour nous. Donc, ce qu'on peut limiter après en ajout de produits, je pense que le vinaigre blanc d'alcool et le bicarbonate de soude, ainsi que le citron, font des choses merveilleuses dans vos intérieurs. Ouais, c'est pas donné quand même le bicarbonate de soude là. Le vinaigre, ça vaut rien. Rigoles, c'est pas cher le bicarbonate. Ah bon? Ouais, non. Bon. Bah, je sais pas où tu le prends, mais c'est pas si cher bobo, que ça. Moi. Ah bah, c'est pas. Je suis un bobo, moi. T'es pas un bobo, toi, non, je te pas le dis. Du tout, alors, non, je te rassure. Non, mais pour te connaître un peu, non, t'es pas un bobo, tu vois. Ah non. Ah bah, on apprend des belles choses ce matin. Tiens, on va avoir Léa à 8h au téléphone. Du coup, elle s'appelle à 8h, tu sais, pour l'art et la peinture. Elle expose aujourd'hui. Ok. Ouais, une grande peintre orléanaise. Ça me prend plaisir de l'avoir au tel. Ma douce Léa, on adore. Bon bah du coup, si vous avez envie de vous sensibiliser musicalement, je vous propose aujourd'hui dans votre playlist de vous rajouter un petit trio, deux petits trios, par exemple l'hymne de nos campagnes. Ah, j'adore celui-là. Et puis le greenwashing aussi, qui est toujours très ouais, à la mode. Celui-là, ouais. Mais le greenwashing, c'est très à la mode, donc ne vous privez pas d'aller découvrir ces petites choses-là. Et puis dans les plus classiques, je vous aurais bien proposé un petit Georges Moustaki avec un grand classique, Il y avait un jardin. C'est une très jolie chanson, plus calme. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller découvrir Ridan, si vous le connaissez pas. Et il y a une chanson qui s'appelle Objectif Terre aussi, qui est un peu plus ou moins slamée, chantée avec aussi une chorale d'enfants. Et c'est très très agréable à écouter, même si ça continue de vous sensibiliser, évidemment. Voilà, moi, je suis là pour vous piquer les rappels. Hein. C'est bien, c'est bien. Je suis comme l'État, moi, les rappels, les piqûres de rappels, va falloir vous les faire tous les 4 matins et je vais pas m'en priver. Quoi, je vous le dis, c'est pas les mêmes, elles sont plus douces, les miennes. Et puis elle a toujours pas fait son gouvernement, Borne. Ouais, mais ça, qu'est-ce qu'elle attend là? Bah, je sais pas, ils font ça un peu, tu sais, comme les papes à Rome. Ouais. Ils vont nous mettre la fumée blanche. La fumée, ils vont nous mettre la fumée blanche quand ils auront décidé. Enfin, tout est tiré au maximum du temps pour tout. Voilà, c'est alléchant, tous les gars. C'est comme ça, non, je pense pas, non, pas trop. Franchement, je dois le dire, ça me fait pas bander. Le meilleur des souvenirs pour bien vous réveiller, bon appétit si vous êtes arrivé avec Coq Robin. Me off and I will hunt you down again. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. C'est Francky dans la radio et normalement Léa. Ah, Léa aurait dû être avec nous au téléphone, mais bon, c'est pas grave, on va la rappeler dans une minute où elle va nous rappeler. Stéphanie Bié, notre chroniqueuse préférée qui est là, comme tous les vendredis. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres ? Non. Ah bon, bah ça va alors. Non, mais c'est pour faire style, c'est pour faire style, elle a compris. Elle. Pour faire style que t'es, qu'on est plusieurs. Ouais, mais je sais que je suis la préférence quand même. T'es la préférée, t'es Maya l'abeille, toi ici, t'es. Je sais pas comment dire. En tout cas, on était retour. Je suis un électron libre. T'es l'électron libre de la radio, c'est ce qu'on disait à l'époque, ouais, sur d'autres radios. Heureux d'être avec vous. Nos invités qui sont arrivés, on va les accueillir dans moins de 10 minutes en direct. Si tu veux, on s'écoute un petit son, puis on accueille Léa. Ouais. Ça te dit ou pas un petit Daft Punk, Get Lucky? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix sur les sons ce matin, on est d'accord. Non, ce matin, t'as pas trop de choix. Voilà, bah, allons-y pour Daft Punk. Ça, l'histoire est réglée, hein. On va pas chipoter, hein. Allez, c'est parti en direct à la radio. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? are the force from the beginning. Du connerie ça. Moi je pense qu'ils vont revenir avec des casques de moto. J'en suis sûr. En vroom vroom, on t'entend rouler du côté en même de. Temps que les contrôles techniques. Voilà, pour les motos. Justement, on en a parlé lundi en direct à la radio. Et voilà, on va direction Saint-Privé, Saint-Mémin. Saint-Privé, c'est une belle ville ça. Moi j'aime bien. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Quand je dis Saint-Privé, c'est parce qu'il y a un événement ce soir. Je sais pas si Léa habite à Saint-Privé. Bonjour Léa. Bonjour Francky, ça va? Ça va, c'est pas trop tôt le matin à 8h? Non, moi je suis levé depuis 5h30, 6h. Ouais, bah moi j'ai pas. Alors moi je gueule avant qu'on attaque les arts. Je vais gueuler, bah j'adore gueuler moi. J'ai pas dormi de la nuit à Main-sur-Loire. Je vous dis, il y a une déviation de camion. Alors il y a un panneau qui est marqué interdit de circuler de 23h à 5h et toute la nuit les camions ils ont circulé. Alors, c'est peut-être parce que l'autoroute est fermée. Oui, mais il fallait qu'ils s'arrêtent avant. Et voilà, je suis désolé. 23h 5h, les gens qui se lèvent comme moi pour aller faire de la radio, et puis je suis pas le seul à me lever. Hein. Voilà. Bah moi je vais aller chez eux ce week-end, je vais aller avec mon tracteur, je vais passer devant. Tu vas aller rouler devant chez eux. Ouais, avec mon tracteur, tu vas voir. Salut Léa. Il fait chaud aussi, hein. Ah ouais, il a fait chaud aussi, hein. Ouais. Et puis il y a la lune aussi. Ah. Mais oui, parce que moi non plus j'ai pas dormi, donc. Ouais. On en est tous là, On est mort. Moi je suis crevé, je vais dormir sur la soirée. Bon, alors du coup on va se détendre ce week-end avec une jolie expo, c'est ça? Et c'est ce soir, Léa. C'est ça. Ce soir commence une super expo du Beaumont, quoi, des artistes vraiment talentueux. Et donc ce soir à partir de 18h30, il y a le vernissage à la trésorerie, donc c'est au 14 rue des Moines à Saint-Privé-Saint-Mémin. Ouais. Voilà. Et à cette occasion, ben moi j'expose 4 œuvres et donc l'exposition a lieu du 21 au 29 mai à la trésorerie. Voilà. Tout à chacun, on fait des permanences. Alors, si les gens veulent rencontrer les artistes, au contraire, hein, ouais. Au contraire, moi, je serai mercredi 25 de 14h jusqu'à 18h30 et le vendredi 27 aussi de 14h jusqu'à 16h30. Voilà, si les gens veulent venir. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? De la peinture, de la sculpture? Peinture, mosaïque. Ouais. Alors l'invité d'honneur c'est Jean Gaudin, le peintre. Enfin, le peintre d'honneur? Ouais, c'est Jean Gaudin. Oui, exact. Et le sculpteur c'est Christian Martinon. Ouais, c'est un pote ça. C'est des artistes de la région? Non. C'est pas des artistes de la région. Et j'ai l'impression que Christian Martinon fait du raku, parce que quand je connais pas par contre ce monsieur. Du raku. C'est super beau quoi. Je vois la statue sur la fiche. Ouais, elle est sympa, ouais. C'est un peu craquelé en fait, c'est ça. C'est un choc thermique. Hein, parce oui, c'est de la céramique dessus. Céramiste, il y a très longtemps dans une première vie. Ouais. Et donc il a fait effectivement, on fait le choc thermique pour faire craquer comme ça. C'est l'enfumage en fait. Ah moi je fais la même, hein. L'enfumage, ça tu sais le faire. Alors fumage, moi j'en fais de l'enfumage, moi. Moi je fais la même statue avec de la pâte à modeler, hein. Ah mais ça se vend aussi, hein. Si c'est bien fait, ça se vend. C'est moins lourd. Et quand c'est moins lourd, c'est moins cher, sûrement. En tout cas, c'est à Saint-Privé, Saint-Mémin. On salue la ville de Saint-Privé parce que c'est là-haut que la radio fait leur bal, et on salue le maire Thierry Cousin. Au passage, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Super mec, Thierry, qui vient souvent à la radio d'ailleurs. Il vient souvent aussi en exposition. Et, voilà. Et quand tu vas le croiser, dis-lui qu'il revient à la radio. Il est super sympa, Thierry, j'adore. Ouais, j'y manquerai pas ce soir, normalement peut-être que je le vois, donc je lui en parle. Voilà, et donc ce soir, vendredi 20 mai, c'est le grand démarrage, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, grand démarrage, 18h30. Et ça dure jusqu'au 29 mai. C'est ça. Donc, du lundi au samedi, c'est ouvert de 14h à 18h30. Mmh. Et le dimanche, de 10h à 18h30. Et voilà. C'est ouvert à tout le monde? À tout le monde. C'est une entrée libre. Il faut emmener les enfants aussi. Tu m'as volé le mot de la bouche. Là, j'allais dire les jeunes, là, allez faire un tour là-haut au lieu d'être sur vos portables. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire l'œil. Voilà. Et quand les enfants s'intéressent à l'art, ils sont extraordinaires. Quand j'anime des stages, là, par exemple, en juillet, j'ai animé sûrement un stage. Ouais. Ils sont extraordinaires. Ils sortent des choses incroyables. Voilà. Donc, je suis plein d'espoir pour eux parce qu'après ces deux ans de Covid, c'était un peu compliqué. Ouais, bravo, bravo, Léa. Eh ben, si on a le temps. Bonne expo en tout cas. Merci à vous pour ce que vous faites. Ah, merci à toi, Léa, t'es la bienvenue. Côté joyeux. Ah, on essaie. Merci. Non, non, on fait semblant de se marier. Dès qu'on coupe les micros, on se tape sur la gueule avec. C'est ça, oui, j'ai vu. Il y a du sang partout sur les. Ça cogne ici, hein. Moi je suis un cogneur, attention. Merci, Léa, parce que. T'as pas intérêt, ouais, à bouger une oreille, moi je te le dis. J'arrive, t'en bouge pas. Merci, Léa, bonne expo. Merci à vous deux. Au revoir. Bonne journée. Salut, au revoir, belle journée. Ça me fait plaisir d'avoir des gens comme ça de bonne humeur, hein, ma Steph. Ah, bah oui, c'est agréable. Le sourire, il est arrivé encore de nos invités, on va les accueillir dans moins. D'un coup là, de 3 minutes. Et nous on est des stars de la radio, hein. Même France Bleu faut pas mieux. Ouais, je te jure, non, sérieux. Justement, un titre des années 96 que vous avez adoré, deux filles, Brandy, Monica, ce mec est à moi, the boy is mine, the mine is boy, à l'envers si vous voulez. Ça fait pas la même chose. Et Stéphanie, elle aime bien ce genre de son. Ouais, R&B, hein. Années 90, ça coule. La New Jack, rappelle la New Jack? Ouais. Ah, c'est à l'ancienne. La garage, plein de choses. Oh là là, c'est plus la musique de maintenant. Hein. C'est bien que. Fini, tout j'ai ça. Une culture musicale qui n'aime pas. Les ordis sont même pas équipés. Ah non, toi c'est normal, toi t'es de Casse-Dalle, toi, c'est normal. Moi je suis une extraterrestre. Toi t'es des quartiers à l'époque de la source, hein, les soirées qu'on faisait à Casse-Dalle, hein, ouais, on a connu ça, hein, on payait pas l'entrée, hein, à l'époque. Hein. Des fois si, on partageait le tampon. Ouais, le tampon, on se collait copie-coller sur les mains. Ouais, qui l'a pas fait ça, hein. Allez, envoie. Nos invités, ils arrivent dans 3 minutes. Chase on and that's so chanson est à moi. Ouais, qu'est-ce que tu... Ah, tu veux j'allume le micro, toi? C'est pas mal, quand même, non? Les invités, ils arrivent en direct. Brandy, Monica, The Boy Is Mine. Bah, c'est qu'on continue de chanter. Ouais, tu vas pleuvoir. Ah, bah, j'aimerais trop. L'invité du jour, c'est maintenant. Et il y a du monde, et j'allume tous les micros. On est en direct ce matin, 8h14. On parle législative. Bah oui, hein, c'est bientôt, dans c'est quelques bien. Semaines. Nos invités aujourd'hui, j'espère pas écorcher de nom. Kady Mbang, c'est ça? Non, Kady? Bang Bang. Bang Bang. Attends, j'ai pas comme compris. La chanson Bang Bang. Sinatra. C'était ça? Ursula, non. Ouais. Et j'accueille aussi Gaël Baumgartner. Bonjour, monsieur, comment il va bien? Bonjour à vous. Ça va, la forme? Oui, toujours. Bon, bah, première radio, tu m'as dit, c'est ça? Exactement. Sympa, hein, on se marre bien ici, t'as vu? Ah, ça, c'est vraiment une ambiance sympa, ouais. Ouais, nous, c'est convivial, familial, c'est la famille, on est bien. En tout cas, on est heureux de vous retrouver ce matin. La sixième circonscription du Loiret, pour vous, ça y est, c'est officiel, Kady? Oui, tout à fait. Donc, on a fait notre déclaration officielle sur cette sixième circonscription, sur le parti écologie au centre, ouais. Parce qu'on est sensibilisé justement par l'écologie, l'environnement, la protection de l'être humain, mais aussi la protection de la nature et des animaux. C'est ce que tu dis, vous allez les porter haut et fort. Tout à fait. Parce que actuellement, alors on va se présenter peut-être un petit peu. Chacun votre tour, on commence avec toi si tu veux, Kady. Voilà. Je suis comment ça s'appelle, galant. Du coup, je vais faire plutôt court. Mmh. Je suis connue ici sur Orléans, surtout pour mes événements en lien avec des associations. Ah, c'est bien. Donc, j'ai une chasse au trésor pour des maraudes, mmh. Un concours de basket aussi pour des maraudes, mais qui se situe à l'Argonne, mmh. Et un concours de chant, voilà. Mais c'est avec, des belles choses. Voilà, mais avec la crise du Covid, du coup, j'ai dû me réadapter à la situation. Ouais. Et je me suis formée en tant que vidéaste, photographe et designer graphique. Mmh. Donc, je fais tout ce qui est visuel, logo, affiche. Ça, c'est bien, voilà. Ça. Il en faut, hein, des visuels, des logos, pour faire parler des sociétés, par exemple, ou des assos. Ou... Des assos, oui, voilà, exactement. Ça. Donc, je fais du montage, de la vidéo publicitaire, etc. Mais là, nous sommes... Mais justement, aujourd'hui, alors, t'as pas eu le choix ou t'étais dit, je me lance en politique? Alors, c'est depuis plusieurs années que je souhaitais m'investir au niveau de la politique. Mmh. Ça fait un peu plus de 10 ans. Je m'étais déjà positionnée sur les municipales il y a quelques années, mais je trouvais pas le moment opportun pour donner ma candidature. Parce que comme je l'ai dit dans une autre interview, il y a une certaine maturité politique à avoir. Ah oui, ouais. Et aussi le terrain. Les façons de s'exprimer aussi, tout ça, il faut que ça se travaille. Exactement. Ouais, moi, je pourrais pas faire de politique, je peux pas arriver comme ça. En politique, non, ouais, salut pas. Tout le monde, non, bon alors, rentrez chez vous. Et, tu vois. Et aussi le terrain et d'être proche d'élus qui sont déjà sur le terrain, ouais. Pour nous expliquer comment ça se passe tout simplement. Parce qu'on peut pas arriver comme ça avec des idées, des convictions, des valeurs, bien entendu, comme tout le monde. Hein. Je pense que bien tous, sûr, les, ouais. Tous les Français sont un peu comme nous, parce que nous, on est des candidats citoyens. Mmh. Donc, il faut quand même un petit peu maturer tout ça. J'ai rencontré Gaël Baumgartner. Qui est là? Gaël, c'est très bien. Ouais. Gaël, excuse-moi. Je peux vous dire que les deux noms, ils sont pas faciles. Hein, c'est pas du coup, Gaël, je l'ai rencontré par le biais d'un de mes amis. Mmh. Et du coup, ça a matché directement. D'accord. Ça a coïncidé en termes de valeurs. En termes aussi de parcours professionnel, parce qu'on est tous les deux des chefs d'entreprise, et aussi des parents. Voilà, moi j'ai 4 enfants. Ah oui, quand même. Gaël, il y en a combien? Bah moi j'ai une jolie fille, un joli beau-fils. Ah, vous avez acheté un minibus tous les deux? Voilà. Vous êtes venus en bus à la radio, non? Non, ils sont tous les deux là, t'as pas remarqué? Je sais pas, les gamins, ils sont dans la bagnole peut-être. Au soleil. Au soleil, avec les chiens. Dans le coffre. Oh. Si possible. Et c'est vrai que ça a coïncidé directement avec nos valeurs. Mmh. Gaël est sur le terrain au niveau solidaire aussi. Mmh. Il en parlera peut-être de son projet qu'il avait. Et c'est vrai que après, nous, on est des candidats citoyens. C'est la première fois qu'on se présente. On a nos valeurs, nos convictions. Vous êtes proche des habitants, c'est ça? Exactement. Ils ont pas fait l'ENA. Mais alors, voilà. Alors moi, je vais juste poser une question, parce que j'en ai reçu des politiques quand même ici, on est passé par tout le monde. Hein. Ils sont tous proches des habitants, tous proches des citoyens. J'ai un pressentiment. Oui. Alors, c'est un peu une carte de visite. Ouais, c'est où, un peu ça, on est proche des citoyens, on est proche des gens, on est proche du peuple. Par contre, nous, on est réellement des personnes lambda. Mmh. Ça veut dire que moi, j'avais déjà des actions sans être, disons, politique, pour rassembler des gens, pour être dans le côté social, mmh. et aussi pour le handicap. Moi, je suis beaucoup sensible. Ah, le handicap, ouais. Voilà. Moi, je salue mes amis d'Espoir 21, qui je donne beaucoup depuis 10 ans. Ouais. Voilà. Et c'est important pour nous en tant que parents, mais aussi en tant qu'être humain. Mmh. Et c'est vrai que le côté handicap, moi, je travaille avec une association d'enfants porteurs de handicap. Mmh. Donc, je les aide surtout sur tout ce qui est visuel, mais aussi de l'aide sur de l'organisation, voilà, d'événements, tout ça. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur. Et ça nous tenait à cœur parce qu'on a aussi ce retour des aidants qui est un peu difficile psychologiquement et aussi administrativement parlant, mmh. où ils ont énormément de difficultés à faire toutes les démarches. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est vrai. Voilà. C'est pas facile pour eux, malheureusement. En termes de matériel, en termes humains aussi, voilà, c'est très difficile. Et donc, on souhaite être les porte-parole de toutes ces personnes-là. Qui peuvent s'identifier à nous parce qu'on est des personnes lambda, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Voilà, on n'est pas sur un petit nuage où on se dit bon voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va promettre ceci, on va promettre cela. Là, pour l'instant, c'est surtout d'être à l'écoute des gens, d'essayer de savoir quelles sont les problématiques et les attentes des Français. On a tous les mêmes problèmes, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur l'alimentation. Surtout en ce moment, hein, le pouvoir d'achat, il a un peu voilà. grossi, hein. Sur l'alimentation. Après, c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ça, on peut pas. On peut pas le cacher. Voilà. Non, on peut pas le dénigrer. On peut pas le dénigrer. Ça, c'est clair. On peut pas le dénigrer parce que voilà, le chèque énergie, ça a été quand même un soulagement. Aussi au niveau de la taxe d'habitation, je veux dire. Ouais, c'est un certain Manu, il a dit au revoir. Voilà. Donc après, comme on se dit, le gouvernement peut agir concrètement sur la vie des gens. Et sur les lois qui sont mises en place, pourquoi pas nous proposer notre candidature ouais. et mettre sur la table toutes les problématiques et les attentes des Français. Ouais, c'est ça. Voilà, et de proposer des choses qui sont dans le quotidien de tout le monde. Voilà. D'ailleurs, c'est des belles paroles ce matin, dis-moi, Kadhi. Ah, merci. Ouais. Gaël. Oui. On va essayer de te connaître un peu mieux. Ben oui, donc moi je suis, comme Radhi, je suis chef d'entreprise. J'ai fait ma première entreprise, j'avais 30 ans. Donc ah oui. Maintenant je suis un vieux crouton de 48. Je prends cher, du coup. T'as grossi. Maintenant vous êtes deux jeunes adolescents encore. Donc on est vieux dans le cœur ou on est jeune dans l'esprit. Ouais. Donc là, avec ma compagne, on avait, pour le côté social et solidaire, on avait créé en 2018 la première marketplace participative et solidaire. Mmh. On avait même déposé les brevets, parce que ça n'existait pas. Et en fait, notre entreprise reversait et soutenait l'autisme, des associations comme le cancer du sein, des choses comme ça, des sportifs handisport. Mmh. Donc c'était déjà avant même, comme Radhi a dit, avant même de réfléchir à une projection politique, ben c'était du bon sens. Ça nous paraissait d'une évidence totale. En complément de ça, on voulait mettre aussi en place des choses pour aider les gens à préparer leur retraite parce qu'on avait conscience. Moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai fait une école supérieure de commerce, mais du coup, une école de droit. Mais je veux dire, du coup, c'était évident d'aider ceux qui avaient le plus besoin à se projeter sur l'avenir. Et du coup, j'ai repris mes études, je suis reparti à l'école. T'as la fac ? Non, je suis parti pour être redevenir expert en assurance prévoyance et patrimoine. Aujourd'hui, on a malheureusement à cause du Covid perdu notre société, notre marketplace. Mais du coup, il reste la petite partie entre guillemets, la petite, où je suis agent général d'assurance et j'aide les gens à se constituer des retraites, à faire de l'épargne, à faire tout un tas de choses, à préserver pour l'avenir. Et ben ça, en fait, on a des solutions qui sont adaptées aux chefs d'entreprise, aux cadres supérieurs, que moi, je mets à disposition de tout le monde. Et ben voilà, c'est du concret. Alors peut-être, effectivement, que les politiques, ils vont vous dire à chaque fois, enfin, ils nous disent à chaque fois que ben ils font tout pour les gens. C'est-à-dire, c'est du récurrent, ça. Ben voilà, donc en fait, moi, j'ai tendance à dire à mes enfants, il y a des gens qui disent ce qu'il faut faire, et puis il y a des gens qui concrètement font des choses. Et avec que ce soit Radhi, Aurélie, ma compagne, mmh. ou moi, ben en fait on a choisi l'action. Et puis là, ben devant tout ce qui se passait aujourd'hui, on s'est dit à un moment ou à un autre, il faut essayer d'être le porte-parole des gens. Et ben on a conscience que ce soit notre première expérience, on va dire. Mmh. Mais ben pourquoi pas mettre cette naïveté entre guillemets dans le sens noble, normal du terme, ben, au service des citoyens pour être leur porte-parole et changer un peu le discours de ce qu'on entend à longueur de journée par les politiques soi-disant, on va dire les politiques, pas soi-disant professionnels. C'est la parole. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que il y a, enfin, je veux dire, votre mouvement, il est national? Oui. Est-ce qu'il y a une tête d'affiche, quelqu'un qu'on peut connaître ou reconnaître, qui parle à tout le monde au sein de votre groupe? Alors, au sein du groupe, moi, j'en vois pas spécifiquement, parce qu'on est 200-300 candidats citoyens sur toute la France. Une tête d'affiche comme quelqu'un ça... Quelqu'un qui sert... il me semble avoir... je suis pas sûr, mais par exemple, quelqu'un comme Olive, est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de... Alors, Olive, moi, je le connais personnellement, donc... parce qu'il était gilet jaune... Pour le coup, les gens le connaissent, puisqu'il a été beaucoup chez Anouna, etc. Il a beaucoup communiqué, donc... Bah il y a Olivier et puis il y a Jérémy Clément aussi. Ouais. Jérémy Clément, ça fait 10 ans qu'on est amis, donc voilà, donc je le connais très bien. Olivier, ben c'est vrai qu'il est gilet jaune, donc il a été fortement médiatisé. On a aussi Florence Henry qui met en place une méthodologie pour aider, pour soigner l'autisme, pour solutionner le problème de l'autisme et plusieurs handicaps. Ben elle est elle-même candidate. L'accueil de l'autisme. Pardon. Au niveau de l'accueil aussi des enfants autistes, il y a tellement de choses à faire. C'est une grosse problématique. On le connaît bien puisqu'on a un ami qu'on a soutenu pendant sa carrière sportive en e-sport, donc qui est autiste. Et voilà. Et donc Florence Henry, elle se bat depuis des années pour mettre en place cette méthode qui fonctionne. Elle fonctionne quand elle est prise jeune, elle fonctionne beaucoup mieux. Et elle est d'ailleurs candidate, je crois que c'est sur la 3e circonscription de Lyon. Tout à fait. C'est ça. Okay. Et du coup, voilà, c'est des gens comme ça qui parlent avec le cœur, comme Radhi. C'est un peu prétentieux. Appliqué dans le quotidien. Mmh. Du coup, vous, 6e circonscription, c'est ça? On peut préciser un petit peu au niveau des communes, etc. Pour ça gère quelles communes? Alors, ça va d'Orléans centre jusqu'à Loris. En fait, la 6e circonscription est un peu compliquée à définir parce qu'elle est. C'est toujours des découpages un peu capillotractés. Voilà, d'accord. C'est ça. Pierre Desproges n'est pas loin. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est des petits morceaux de canton, pas forcément des cantons entiers. Et ça fait, on peut le résumer comme un ticket de métro qui couperait le Loiret en deux horizontalement. Ok. Vous misez beaucoup, Caddy, sur l'écologie, mais j'ai un pressentiment que beaucoup misent que sur l'écologie en ce moment. C'est quoi? C'est un phénomène de mode ou alors Alors, je pense que c'est un phénomène de mode. Ouais. Et on l'a malheureusement. Vu, voilà, malheureusement. Ah bah clairement. Malheureusement, mais concrètement. Parce qu'elles font écologie. Ouais, mais ils ont compris, on a discuté un peu. Ouais, mais nous aussi, donc c'est pas... Ah bah voilà. On s'entend mieux. Mais concrètement, en fait, ce sont des actions qui vont pas sur le long terme. Mmh. Et en fait, on est un petit peu pris par... à la gorge par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau du climat, au niveau... Bon, on le voit en ce moment. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes commencent à se conscientiser, à prendre conscience que cette Terre ne nous appartient pas, qu'on est sur Terre, mais qu'il faut la respecter, la protéger, et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est une prise de conscience de beaucoup de personnes, mais après, y a des actions qui sont faites un petit peu partout sur la France, mais ce serait bien de pouvoir tout réunir et de sensibiliser le plus de personnes. Peut-être les jeunes. En commençant, c'est ce qu'on disait, en commençant par les plus petits, pardon. Oui, oui. À l'école, à la maternelle. Puisque moi, je suis consciente d'une chose, hein, maintenant, aujourd'hui, voilà, une autre génération, en fait, c'est plutôt les enfants qui ont tendance à maintenant éveiller la conscience des parents et grands-parents. Mmh. Et, mais c'est assez compliqué. Enfin, moi, je vois des choses en extérieur où je suis extrêmement choquée. Oui. Alors moi, comme exemple, alors moi j'ai 4 enfants qui vont de 6 ans à 18 ans. Mmh. Du coup, j'en ai 3 qui sont plus ou moins en bas âge. Après, les écoles, je trouve, font un énorme travail sur ce côté-là. Mon fils de 6 ans a déjà fait un clean walk sur les bords de Loire. Ah ouais, c'est... Ils font du potager dans la cour. Mais c'est là que ça commence. Voilà. Parce que l'écologie, pour moi, c'est éducatif, en fait, c'est pas politique. Exactement. Je vous le dis, hein, comme je le pense, parce qu'on en parle en antenne. Oui. Mais l'écologie, ça commence avec l'éducatif, quoi. Éduquer les gens et les habitués. Et il y a un autre problème aussi, c'est que l'écologie, depuis les années 80, même 70, elle est vécue par les gens comme répréhensive. On leur dit que c'est un peu de leur faute s'ils s'en est là, etc. Alors que si on les fait participer et qu'on leur apprend que c'est bien, qu'il y a des actions positives, même des petites actions quotidiennes. Moi, je vois quand je vous dis ça, j'avais 26 ans, quand les ampoules à flux à économie d'énergie sont arrivées. Ça coûtait une fortune, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai enlevé toutes les ampoules à la maison. C'était mon premier logement, chez mes parents je pouvais pas, mais quand j'ai pris mon premier logement, j'ai tout changé, et puis il y a encore des ampoules, je peux vous dire qu'elles éclairent presque plus, mais je les garde encore, je suis peut-être un peu faut les recycler. On survole le projet de l'inclusion sociale, on peut développer un petit peu si tu veux, Kali. Après on passera Gaël pour le pouvoir d'achat aussi. Alors au niveau de l'inclusion sociale, je parlerai surtout au niveau du handicap, permettre à beaucoup d'accéder, que ce soit à des formations ou à des métiers, et aussi à diverses activités qui leur permettent de s'épanouir, d'être dans de bonnes conditions, de pouvoir aider aussi toutes les personnes qui sont des aidants, comme je le disais tout à l'heure, et qui permettent aussi d'aider à faire qu'il y ait de moins en moins d'inégalités au niveau des personnes, quelles que soient leurs conditions ou quel que soit leur handicap, tout simplement. Il y en a beaucoup, tu penses, des inégalités ? Oui, oui. Énormément ? Ah oui. Ça déborde. On ne sait même pas par où commencer. C'est vrai que après, au niveau des inégalités, après je change un petit peu de sujet. On souhaitait partir sur le quartier de l'Argonne ou des quartiers, parce que on a l'impression que cette jeunesse est un peu sacrifiée, dans le sens on les a pas mis de côté plutôt, intentionnellement. Ils décrochent assez rapidement, ils n'ont pas de formation, ils se retrouvent en bas de l'immeuble seul, et après ça part dans des dérives où justement, pour pouvoir se débrouiller, ils vont en arriver justement à trouver des solutions qui ne sont pas dites légales, tout simplement, parce que justement, ils sont complètement perdus. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation aussi, les parents? Parce que je me suis retrouvé en bas de l'immeuble seul aussi. Mais bon, moi je faisais du sport, je faisais du foot, je faisais du basket, et c'est pas pour autant que j'ai dérivé, quoi. Mais je me suis retrouvé tout seul. On est quelques-uns, hein, mais c'était pas la même génération. C'est pas la même époque. On vivait pas les mêmes choses. Alors... Ma mère, elle me disait, tu rentres à 19h, je rentre à 19h. Hein. Ah, pas moi. Moi, il fallait que je rentre, sinon. Alors, ça joue un rôle très important. L'éducation que les parents donnent à leurs enfants est très importante. Sauf que ces dernières années, les parents se sont sacrifiés au travail et n'ont pas donné un temps de qualité aux enfants. Un temps de qualité aux enfants, ça ne veut pas forcément dire être 24 heures sur 24 avec l'enfant. Parce que moi, j'ai déjà croisé des mamans qui restaient à la maison, mais qui avaient tellement de pression mentale, parce qu'elles ont énormément de choses à faire, qu'en réalité, elles ne consacrent du temps à personne dans la maison. Que ce soit dans la culture, dans le dessin, dans différentes activités qui épanouissent les enfants, il n'y a plus rien. Après, je pense que c'est un peu culturel, dans le sens où on laisse un peu les enfants faire tout et n'importe quoi et être un peu permissif. Moi, j'ai mon fils de 18 ans. Pour sortir, il me demande la permission. Il ne fait pas n'importe quoi. Il fréquente. Et à aucun moment, je ne me dis... Où il va, qu'est-ce qu'il fait Je n'ai pas d'inquiétude. Sans forcément le suivre partout non plus. Il ne faut pas non plus les coller. Mais on sait au moins où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui. Exactement. On ne va pas l'appeler toutes les 5 minutes non plus. Parce que... S'il est qu'une gonzesse, bon... Ils ont besoin d'un cadre. Ou avec un mec. Ou avec un mec. Non, mais la liberté aujourd'hui. Dans l'autre sens, ça marche aussi. En fait, les enfants ont besoin d'un cadre. D'un cadre assez important pour pouvoir évoluer, et ça les rassure aussi personnellement, de pouvoir se dire on peut compter sur nos parents, ils sont plus ou moins carrés dans le sens de l'éducation, et c'est très important. Qu'on soit de n'importe quelle confession, c'est important de mettre un cadre à ses enfants pour ne pas les retrouver en bas de l'immeuble et de se dire, ben voilà, on va m'appeler, la police va m'appeler parce que ceci, parce que cela. Ouais. Je pense que c'est important de conscientiser aussi les personnes en se disant qu'on a un rôle qui est important en tant que parent, de d'éduquer nos enfants pour pas qu'ils dérivent dans certaines dans certains travers, tout simplement. C'est bien, moi je trouve ça super. Et je lis le projet, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le, et je suis content de le lire. La maltraitance animale. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Toi, ah Stéphanie? Ah bah moi. Toi, tu kiffes ça? Bah, j'ai pas la maltraitance, non, merci, mais ouais. Qu'on en parle. Tu m'as fait peur. Non, mais t'as bien compris ce que je voulais dire. Bah, moi, j'ai, enfin, voilà, de toute façon, j'ai été impliqué dans mon quotidien, tu le sais très bien. Je le sais, même si je le suis moi maintenant, parce que j'ai, voilà, ça, ma vie a évolué, mais j'avais des vieux chevaux, j'avais des chèvres, j'ai toujours tout assumé, avec mes animaux. On peut juste en développer en deux, trois mots, Gaël. Oui, parce que la maltraitance animale, c'est malheureusement des choses quotidiennes. Mmh. Après, les gens en prennent de plus en plus conscience. Beaucoup de gens font comme on a fait nous. Bah, on voulait des animaux. Un chien ou un chat. Ouais. Voilà. Enfin, nous à la maison, il y a deux chiens, trois chattes, les poissons, les crevettes. Ah, les crevettes. Dans l'aquarium, il fallait des crevettes. Ah, des crevettes. Ah, je savais même pas moi qu'on des crevettes. Ah, si, mais c'est joli. Ça se mange les crevettes, non? Aussi. Avec la maillot. C'est bon. Ah, c'est pas les mêmes. Ouais, la maillot en ce moment, c'est chaud. Hein. Oh là là. Si t'as pas de tournesol, mon pote. Mais voilà. En fait, c'était important pour nous quand on a voulu certains de nos animaux, parce qu'on en a récupéré, on a été les chercher, un de nos chiens, on a été le chercher à Lyon, parce que, il fallait les chercher à Lyon. On a pris des chattes de la SPA, parce que c'était normal d'aller chercher. Enfin, c'est une question d'éducation aussi, de conscience. C'est le commerce le problème. Ouais. Ils ont interdit là dans les animaleries de vendre des chiens déjà. On progresse. Ouais, ça y est, on progresse tout doucement quoi. Mais c'est long. Oui. Mais c'est un truc positif dont on peut juste le souligner. Et puis maintenant, c'est un peu dans la Constitution qu'il y a des droits animaux. Et ça, c'est quand même bien aussi. Après, il y avait tous les problématiques de l'abattage des animaux pour l'alimentation, qui étaient ni fait ni à faire. Les poulets, les lapins, enfin tout ça, qui sont mis en batterie et qui sont élevés dans des conditions innommables. Tout ça, c'est hyper choquant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que aujourd'hui, si on a des crises alimentaires, je pense qu'il y a aussi un rapport avec le fait que les animaux sont maltraités. S'ils sont maltraités, ils dégagent un certain stress pendant leur élevage, entre guillemets, pour les animaux de bouche. Et puis, c'est comme nous, quand on est stressé, on n'est pas bien, on est malade. Eux, ils sont pas bien, ils sont malades. Ils nous transmettent tout un tas de choses après quand on les mange. Même dans leur alimentation, on leur donne des OGM, parce que nous, on n'a pas le droit d'en manger, entre guillemets, mais eux, rien ne les oblige ne pas manger. Parler des doses antibiotiques qu'on leur met, on nous charge, et ce qu'on, après, du coup, on développe de l'hyper-résistance aux antibiotiques. Merci, docteur Bier. Regardez, ne serait-ce que le saumon. On parle de saumon fumé pour les fêtes, etc. Et en fait, la majorité du saumon vient de Norvège, alors que vous l'appeliez saumon d'Atlantique ou quoi, il vient de Norvège. D'accord. Là-bas, le saumon, il est traité à coup de produits interdits en Europe. Oh là. Et pourtant... Manger à Noël. Ouais, mais nous, on mange plus que du saumon d'Écosse quand on en veut. On en mange beaucoup moins souvent. Écosse. Moi, je prends de la truite fumée, et pas de l'importation, s'il vous plaît. Et voilà, donc ce que je veux dire, après, du coup, c'est vrai qu'on en mange beaucoup moins souvent, mais comme la viande, on mange peut-être moins souvent, ou certains légumes, mais on va chercher aux petits producteurs locaux. Aller vers des produits qualitatifs. Exactement. C'est ça. Et pareil pour aujourd'hui, on voit pour l'emploi, il faut savoir, quelqu'un qui habite à la campagne, son impact énergétique et puis polluant, etc., est beaucoup moins important que dans les grandes villes. C'est clair. Parce que dans les grandes villes, il y a tout ce qu'il y a, les bouchons, les embouteillages, toutes ces problématiques-là qu'on n'a pas en campagne. Et même pour l'emploi, ce serait bien de délocaliser un certain nombre d'environnements de travail dans les campagnes. Les villages sont complètement délaissés. Enfin, on peut faire un discernement par contre dans les campagnes, parce que moi j'ai vécu en Beauce. La campagne, c'est le décor est campagnard, mais la pollution, elle est clairement réelle par les produits, par les épandages de merde de poule qui sont pétés d'antibiotiques. D'ailleurs, ça ne sent même pas la fiente, ça sent l'antibiotique. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai vraiment vécu ça, et je l'ai vécu comme une agression. C'est pour ça aussi que j'ai voilà, donc c'est l'environnement, il est, enfin la campagne, c'est joli de parler des campagnes, mais c'est tout, le décor qui est sympa. Tout voilà, le décor est sympa, mais dans la réalité, c'est pas toujours l'envers du décor qu'on a. C'est pas toujours idyllique et non pollué, etc. Ouais, c'est pas Marie Engels, quoi. Il y a quand même une réalité à avoir par rapport à ça, parce que on peut pas toujours stigmatiser la ville et les citadins, alors qu'à la campagne, clairement, on fait aussi beaucoup de merde. Faut être en tout clair. Cas, Cady et Gaël sont nos invités ce matin. On va mettre le point au milieu de la cible, le nerf de la guerre, le pouvoir d'achat. Non mais faut être honnête, Cady. Alors, le pouvoir d'achat. Qui ne parle pas aujourd'hui du pouvoir d'achat, c'est vrai? Alors on peut faire un constat à l'heure actuelle. À l'amiable. Si possible. À l'heure actuelle, que au niveau du panier moyen pour un Français, ça devient de plus en plus difficile. Bah tout le monde se plaint. Hein. Attention, les mecs qui vont faire leurs courses en ce moment, ils me disent, moi j'ai fait les courses, j'en ai pour 200 balles. Hein. Voilà. J'ai à manger pour deux jours. Hein. Alors, je vais de l'huile. Ouais, pour la bagnole, j'en ai mis hier. À partir de la moitié du mois, on peine déjà. C'est et même avant, des fois. La plupart des ménages passent après sur des crédits à la consommation. Ah là là. Alors, je vous le dis tout de suite, ne faites pas ça, ne faites pas. Moi, quand j'étais jeune, je l'ai fait, j'en ai fait deux, trois. Hein. T'es emmerdé après, mais alors, C'est à vie après. Ils t'harcèlent, ils t'envoient des courriers, parce que quand tu commences à rembourser, ils te disent qu'il vous reste tant. Toi, t'es un peu dans la merde, machin, ils te disent, bah, il vous reste 4000 euros, bah, tu prends les 4000 et t'es reparti pour 3 ans. Ne faites pas ça, je vous le dis, un bon conseil d'ami, je l'ai fait, je sais de quoi je parle. Voilà. Oui. C'était la petite parenthèse. Alors c'est vrai que, comme je le disais, le gouvernement a déjà mis en place différentes choses pour pouvoir faciliter au niveau des Français le pouvoir d'achat. Par contre, au niveau des magasins et au niveau des enseignes, il serait important qu'elles puissent aussi contribuer justement à ce que le pouvoir d'achat ne soit pas aussi pénible pour les Français. Parce que réellement... Et concrètement, ça met des personnes dans des situations difficiles où ils ne peuvent pas se nourrir ou se nourrissent mal, tout simplement. Mmh. Donc on souhaite l'accessibilité au bio pour tous. À quel prix aussi ? Et abordable. Ah oui, voilà. Parce que réellement, moi j'ai beaucoup, je suis en centre-ville d'Orléans. J'ai beaucoup de petites boutiques, étiquettes bio. C'est pas donné. C'est pas donné du tout. C'est cher même. Et puis, moi, personnellement, au niveau de mes enfants, je souhaite qu'ils aient une alimentation équilibrée. Donc, la plupart du temps, je ne fais pas de surgelé. Je cuisine moi-même ou je les laisse cuisiner, tout simplement. Ouais. Et après, au niveau du bio, c'est vrai que si on veut bien se nourrir, c'est compliqué. Que ce soit fruits, légumes... c'est vraiment compliqué et ça ne nous permet pas justement de se nourrir sainement. Donc, au niveau du pouvoir d'achat, là pour l'instant, on souhaite reprendre toutes les informations des Français sur leurs problématiques et leurs attentes et de pouvoir proposer, si on y est élu tout simplement, des lois qui permettent la vie soit plus facile et plus évidente pour les Français. Et justement, si vous êtes élu, vous allez réussir à mettre tout ça en place, à tenir vos promesses aujourd'hui ? Alors, c'est pas une question de promesse, parce que ce serait une utopie. On n'est pas dans le pays des bisounours. Ouais, bien sûr. Hein. Mais en fait, c'est d'être le porte-parole des problématiques des gens et qu'ils aient au moins quelqu'un qui parle avec leur langage à eux et qui parle de leurs problématiques à eux. Et on va pas parler avec les gens uniquement quand un mois avant de se faire élire. C'est important de garder le contact et de continuer à parler avec eux tout au long. Un mandat de député, ça dure 5 ans. Et je pense que c'est important de pas aller les voir un mois tous les 5 ans. Mmh. Et pour le pouvoir d'achat, je pense que ne serait-ce que pour l'alimentation, comme disait Radhi, ce qui est important, c'est de voir que les grands supermarchés, les grandes surfaces en général, se font des marges de folie sur les fruits, les légumes et la viande, et que je pense qu'il est quand même important, alors je sais que c'est plus facile en campagne que dans le centre de Paris, mais d'aller chercher des circuits, ce qu'on appelle des circuits courts, d'aller voir, ça fait une petite balade le dimanche, d'aller voir les petits producteurs en campagne, justement. D'aller sur les marchés. D'aller sur les marchés. Et parce qu'à la ville, c'est comme ça, hein. Si vous voulez aller proche des producteurs, vous allez sur votre marché. Il y a de plus en plus de marchés de petits producteurs. Oui, c'est vrai. Et Et là, on mange des vrais produits qu'ils ont cultivés. Un peu les mêmes solutions que pendant le confinement, en fait. Tu vois, c'est ça, ouais. Bah, là, où là, la consommation des gens a changé de face. Et oui. Je pense qu'il y en a plein qui ont pris des bonnes habitudes. Il y en a qui les ont perdues entre-temps. Et bah voilà, faut s'y astreindre. Bah, vous voyez, vers Soupe-sur-Loing, puisque nous, on est de Corquay-le-Roi, à côté de Montargis. Comment t'as dit le bled, là? De quoi? Soupe-sur-Loing. Soupe-sur-Loing, c'est vers Nemours. On a découvert, enfin c'est entre Château-Landon et Soupe, on a découvert un producteur qui avait mis en place une borne où il y a des petits casiers réfrigérés et les gens arrivent et viennent, il y a plus besoin, c'est 7 jours sur 7. Il y a ça à Gidi aussi. 24 heures. Ah ouais, ils se servent en fait, ils achètent un distributeur de fruits et légumes. Exactement. C'est local, c'est local. Chez le producteur. C'est bien ça. À Gidi, tu as ça aussi. À Gidi, ouais. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Ah, c'est sympa, ouais. Et du coup, ben, nous on a été voir par curiosité. Après, on n'a pas fait nos courses sur place parce qu'en fait, ce jour-là, Aurélie voulait faire une petite salade de tomates haricots verts pour le soir. Mmh. Et du coup, ils avaient plus de tomates, donc on n'a pas fait. Mais c'est pas grave, on a haricots verts. C'était à quelle saison? Non, mais c'était cette semaine. Ah, ça va. C'était cette semaine. J'ai eu peur. Là, j'ai eu grand-peur. Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi sélectionner des produits de saison. Je suis taquine, pardon. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est bien. C'est vrai qu'en choisissant des produits de saison, mon discours, il le connaît, je suis là tout le temps. Je fais absolument pas de politique. Par contre, en revanche, je conscientise, sans problème. C'est clair. En tout cas, ils seront nos invités ce matin, Caddy et Gaël. Je vais vous laisser le mot de la fin. Chacun votre tour. Je vais être galant. Toujours. Démarrer avec toi Gaël. Non, je suis un blagueur le matin, attention. Moi, Alors pour les prochaines élections, votre vote peut vraiment changer les choses. Aujourd'hui, on est là pour vous, on est proche et on est à votre écoute. On a mis en place notre page Facebook si vous souhaitez communiquer avec nous, tout simplement. Ouais, donne ta page. C'est Gaël Bockmertner et Khadi Bing, législative 2022. Ouais. Je ne me trompe pas. On tape ça sur Facebook, on vous trouve directement, on like la page, déjà on aime la page, ensuite on voit tout ce que vous proposez, et on lit ça attentivement, on réfléchit. Et une autre chose, on va avoir besoin de bénévoles pour pouvoir avancer, parce que réellement et concrètement, on est des candidats citoyens à 1000%, dans le sens où nos visuels sont faits par nous-mêmes. Ouais, barre-toi. Pour le coup. J'ai pour pas ce talent-là, moi, malheureusement. Non, mais c'est bien quand t'as un graphiste dans la bande. Oui, c'est voilà. Clair. Mais aussi au niveau de toutes les démarches qui vont être faites, on souhaiterait pouvoir être soutenu aussi par des citoyens qui adhèrent justement à ces valeurs, à cette cause, et qui puissent nous aider justement à porter leur voix pour l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, on disait quelque chose d'assez important. Qu'est-ce que vous allez faire dès que vous arrivez à l'Assemblée nationale? Vous allez dormir, non? Non. Dans un premier temps, c'est l'observation. Je pense que quoi faire aussi, pas mal. Je pense que dans un premier temps, c'est l'observation. C'est l'observation, c'est d'être à l'écoute, et après de faire du terrain, et après de proposer des choses pour pouvoir avoir une idée concrète de ce qui se passe sur place. Parce que dès le départ, on va pas pouvoir agir tout de suite. On va agir petit à petit en fonction des choses et pouvoir mettre les choses en place. Voilà. D'accord. Et bon, en tout cas, on attend ça avec impatience. Moi, j'aimerais te voir à l'Assemblée. Je te ferai signe de loin. Merci, Caddy. Merci à toi. Le mot de la fin, c'est vrai que comme disait Radhi. Excuse-moi, je l'appelle Caddy, moi, mais c'est Radhi. Ah, c'est les deux. Alors, en fait, la liaison. Ouais. Mais en fait, Caddy, c'est chez les plus. Caddy, c'est comme dans les supermarchés, tu pousses, voilà. Et Radhi, c'est le K-H. Voilà, avec l'accent. Les deux sont possibles. Les deux sont sympas. Moi, j'aime bien le Caddy, moi. Moi, j'aime bien les Radhi, donc. Ah, moi aussi. C'est comme Julio Rulio. Rulio, toi, tu vas faire des blagues le matin. Ah, ben. Tu vas nous faire des blagues. Un de mes films préférés, c'est Good Morning Vietnam, fallait pas le faire. Ah, avec la radio, ouais. Good. J'adore l'intro. Ah, ce film. Non, le chauffez pas. Je le fais pas. Gaël, je te laisse le mot de la fin, Gaël. Oui, donc c'est vrai qu'on nous effectivement nous sommes des candidats citoyens, donc on n'a pas on est soutenu par le parti Écologie au Centre, c'est vrai. Ils nous fournissent tout un tas de choses au niveau administratif, au niveau soutien, etc. Mais plus on aura de gens qui viendront nous rejoindre D'abord, on aura le plaisir de les écouter et de porter leur voix. On aura le plaisir de les entendre, de fabriquer avec eux tout un argumentaire pour les représenter eux. Mais on aura aussi besoin de soutien d'un maximum de gens pour aller porter toutes ces valeurs le plus haut possible. Et à la presse, je vais vous dire, la deuxième place, malheureusement, dans une élection de ce genre-là, ben, elle a pas de valeur en soi. Donc, pour pouvoir vous représenter au mieux, ben, il faut être à la fois au deuxième tour et à la fois de gagner le deuxième tour. Et puis, ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, des valeurs telles qu'on les porte, que ce soit au niveau humain, au niveau social ou au niveau écologique ou le handicap, qui est vraiment important pour moi, eh bien, du coup... Bah, je pense qu'on peut faire des choses sympas. Et ben, mais il faut qu'on soit le plus nombreux possible. On espère que vous allez en faire. Caddy et Gaël nous invitaient la 6e circonscription du Loiret. On va aller faire un petit tour. Ça va se passer au mois de juin, en espérant, on croise les doigts. Oh, non. Oui. Eh, par contre, vous faites on va se faire un pari là, un package ensemble. Si vous passez, vous venez nous voir. Bah, bien sûr. Vous carrément. Pas nous laisser bien entendu. Parce que moi, j'ai envoyé des mecs à l'Olympia, ils sont jamais revenus. Hein. Je me rappelle. Hein, je vais pas balancer des noms. Hein. Steph, je vois que tu as envie de dire quelque chose. Non. Non, même pas. Non, je suis sage comme une image. Oh, ça m'étonnerait. Quoi, bah quoi, c'est bon, je suis rebelle tout le temps. Tu te mets un maillot à l'abeille? Non, j'en toujours pas bien. Internet. Non, voilà, toujours pas Internet, toujours pas. Voilà. Voilà, je vous invite à découvrir une petite liste, une petite playlist qui était sympa, qui il y a 42 chansons sur l'écologie sur YouTube. Vous pouvez découvrir cette liste. Il y a plein d'artistes. Et franchement, allez, voilà, vous tapez playlist écologique et vous allez tomber dessus et vous allez voir, il y a plein d'artistes sympathiques, dont les cowboys fringants, dont toutes ces choses-là, qui sont pour ici des extraterrestres, mais que j'ai diffusé moi, pourtant beaucoup déjà à mon époque. Eh oui, une vieille animatrice radio. C'est ça. Et ben en tout cas, je vous une vieille, une belle animatrice radio, s'il te plaît. Radhi Hegel, bah bonne chance et bah, je croise les doigts pour vous. Et merci à vous. Après, pour votre accueil. Bah quand tu veux, vous revenez. Hein. Nous, c'est la famille. Quand, hein. quand ils gagnent, ils reviennent. Ouais, mais même s'ils perdent, ils peuvent revenir. Non, mais quand vous avez des actions locales, notamment par rapport à titre associatif. Exactement. Par exemple, voilà, pour le handicap, tout ça. On peut tout à fait vous faire intervenir et vous puissiez communiquer sur ces actions associatives qui sont toujours les bienvenues. Merci à vous. Merci d'avoir. Et il faut être. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, on est une radio libre entre guillemets. On est quand même surveillé par le CSA et on est la seule radio à Orléans. Et je le précise, hein, pour je sais qu'il y a des concurrents qui écoutent à donner la parole pendant 30-40 minutes. Hein. Oui, c'est clair. Personne ne le fait. Ah, je suis d'accord. Hein. Moi, je peux vous dire, vous pouvez aller. On était en mode débat ce matin. Voilà. Ça tombe bien, on pouvait pas passer les musiques. Ça tombe bien, j'avais pas de maille à la veille. Merci Rémi. Merci Gaël. À la prochaine. Merci à vous deux. Sixième circonscription du Loiret. Bah, bonne chance, je croise les doigts au mois de juin pour vous. Ok. J'ai un vieux pote qui a fait de la musique. Lui, je l'avais envoyé à l'Olympia à l'époque. Bon, j'ai plus de nouvelles. Hein. Téléphone, Louis Bertignac. Steph, on se revoit juste derrière. Ah ouais. Quand j'aurai fini de lever les yeux aussi, oh là là. On fera ça. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Politique ce matin, chère Stéphanie. Moi j'ai fait de l'écologie comme ah chaque ouais, fois. Ah ouais, mais toi t'aimes ça l'écolo. Ouais. Ouais, et puis d'ailleurs je vais finir là-dessus, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, journée mondiale des abeilles, indispensable à notre survie. Dimanche, journée mondiale de la biodiversité. Ah, et une journée, ça suffit pas. Donc pendant votre week-end, s'il fait un peu joli temps, allez vous promener sur les marchés, rencontrez vos producteurs. Mmh. Allez chez vos producteurs, vous verrez les abeilles butiner les fleurs, des fraises, et après vous aurez des fraises. Allez vous acheter du vrai miel auprès des producteurs qui ne sont pas plus chers qu'en supermarché. Et en supermarché, tout ce que vous allez trouver dans la majorité des gens du temps, c'est cher. Et en plus, c'est coupé au sirop de glucose et c'est de la... C'est de la merde. C'est de la merde. Faut le dire, faut le dire. Voilà, en mode Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà. Donc rapprochez-vous le plus possible de vos producteurs. Vous n'êtes pas obligé de faire des kilomètres. Vous allez sur les petits marchés en local. Vous allez forcément vous trouver des petits producteurs qui vont bien. Et faites-vous plaisir. Éduquez-vous, éduquez vos enfants et profitez de ce monde vivant. Pendant qu'il est encore là et entretenez-le s'il elle vous plaît. Peur, elle nous fait peur. Merci. Moi je m'en fous, j'ai pas d'enfant, tu vois ce que je veux dire. Je milite juste pour moi et ma conscience et parce que j'aime la planète, j'aime la nature et j'aimerais qu'il reste quand même quelque chose et derrière c'est moi. C'est bon pour la planète, Jean-Pierre. Donc voilà quoi. Mettez-vous un coup de pied au cul, moi je dis. Et protégez tout ça du mieux que vous pouvez avec dans la possibilité en tout cas dans celle que vous avez quoi. Et ben merci Jean-Pierre Coff ce matin. Malheureusement, il est parti le pauvre. Non, moi je suis Steph. Steph de Monac. Steph, même Stéphie. Bon bah rendez-vous la semaine prochaine. Ça roule ma poule. On fait l'interview de la passerelle, la directrice. Ça te va? Si tu veux, ouais. Je vais essayer de l'inviter à la radio. Essaye surtout d'avoir de l'internet que si je prépare un truc que je me retrouve pas planté sans pouvoir passer. Je vais t'expliquer un truc. Au pire, s'il n'y a pas internet, je vais amener mon ordinateur. Là, j'aurai tout dedans. Là, moi, j'ai un super ordinateur, tu vois. Ok, Steph? Ça marche. Allez, salut, Steph de Monac. Ciao, ciao. Je vous embrasse bien fort. Et il arrive, monsieur Laurenceau, il est prêt, le karatéka. Attention, il arrive. Calinette Nettoyage. 117 route nationale, 45 140 Ingrès. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Norne Alecasairel, empresa geral no setor da eletricidade terciária e industrial há 15 anos. Na continuidade do nosso desenvolvimento, procuramos pessoal para uma nova equipa autónoma para realizar os nossos projetos em Orleans. A nossa última referência local é a renovação completa do Museum em Orleans. As vagas de emprego estão disponíveis de imediato, as licenças elétricas e KSS são uma vantagem. Se deseja juntar-se a nós, num ambiente familiar ou mais informações, pode contactar-nos através do telefone 02-38-59-2039 ou enviar o seu CV para o seguinte endereço: recrutement@normielec.fr. Normielec SARL, Entreprise Générale d'Électricité Tertiaire et Industrielle, depuis 15 ans. Pour poursuivre notre développement, nous cherchons une nouvelle équipe autonome afin de mener à bien nos chantiers sur Orléans. Notre dernière référence locale est la rénovation complète du Muséum d'Orléans. Les postes sont à pourvoir rapidement, les habilitations électriques et permis KSS sont un plus. Si vous souhaitez nous rejoindre dans un cadre familial ou pouvoir avoir plus d'enseignements, vous pouvez nous contacter au 02 38 59 20 39 ou nous envoyer vos CV à l'adresse suivante: recrutement@normielec.fr. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Un vrai succès. Le bal organisé par Radio Arc-en-Ciel le 30 avril, le bal de la Révolution des œillets, fut un moment mémorable. Félicitations aux membres du conseil d'administration pour le choix et la qualité du spectacle. Un grand bravo à la chanteuse Agatha pour le show d'exception. Merci au groupe Capanegre de nous avoir fait danser jusqu'au petit matin. C'était féerique. Obrigada à tous nos bénévoles d'avoir rendu possible cette magnifique soirée. Merci à vous, animateurs Radio Arc-en-Ciel. Et nous tenons aussi à remercier tout particulièrement nos partenaires. C'est grâce à tous que cette soirée fut un réel succès. Obrigada. Merci à la ville de Saint-Privé-Saint-Mémin, à RPG International à Orléans, à l'hôtel des Trois-Vallées à Saran, au restaurant Pedralta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Sodo Tipico à Fleury-les-Aubrais, aux établissements Mariano à Sémois, au café Adopt Speciality à Olivier, à DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, MTP 45 Carrosserie à Boigny-sur-Bionne, SARL J. Lopez à Saint-Denis-en-Val, CIMAC Construction à Saran, LDS Rénovation à Chessy, IST 45 Plomberie à Olivet, ALM Rénov et Déco à Sémois, Asservice Rénovation à Orléans, DS Ravalement à La Chapelle Saint-Mémin, URL AMD à Orléans. Muito obrigada, un grand merci. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.